Alors, de retour à Futur Simple, c'est François Grégoire qui vous parle. Depuis quelques années, le gouvernement du Québec et de nombreuses municipalités s'affairent à réparer ou à remplacer les infrastructures devenues vétustes au fil des ans, comme les ponts, les routes, les réseaux d'égouts. Et bien sûr, il faut en profiter pour les adapter aux besoins actuels. Alors aujourd'hui, on va parler des réseaux d'eau pluviale et on va se poser la question, comment sont conçus les réseaux d'eau pluviale de nos villes? Et pour répondre à cette question, je reçois Dikra Kedawiria, qui est étudiante en sciences de l'eau à l'INRS ici à Québec. Bonjour Dikra. Bonjour François. Alors Dikra, quand on marche dans les rues, on n'a pas vraiment idée de ce qui se passe sous nos pieds, n'est-ce pas? Effectivement, tu ne crois pas si bien dire. Donc, dans la rue, on a plein de tuyaux qui s'enchevêtrent. On les voit pas. On les voit pas, oui. Donc, c'est sous terre. Donc, on peut avoir des tuyaux d'eau potable. Donc, c'est ce qui nous permet à tous les citoyens de boire de l'eau à notre robinet. Mais aussi, on a d'autres types de tuyaux qui sont des tuyaux d'eau usée, les égouts. Donc, on a les égouts contiennent quoi? Ils contiennent les eaux usées qui proviennent des chasses d'eau, des machines à laver, mais aussi des eaux qui proviennent de la pluie, donc qu'on appelle les eaux pluviales. Exactement. Et en fait, ces deux réseaux, est-ce qu'ils sont interreliés ou ils sont raccordés ensemble ou pas? Donc, on parle des égouts. Donc, oui, pour l'eau pluviale et l'eau, l'eau usée domestique, donc il existe les deux cas de figure. Donc, on peut avoir soit les égouts sanitaires de la maison qui sont reliés aux égouts pluviales, et donc ça fait un seul réseau, on appelle ça un réseau unitaire. Soit on peut avoir l'autre cas de figure où on a deux réseaux différents, distincts, donc on a des tuyaux différents pour les deux types d'eau. Donc là, on a un réseau séparatif. Et ça dépend des municipalités, ça, j'imagine? Donc, maintenant, par exemple, dans la ville de Québec, on peut avoir les deux types de réseaux. Donc ça dépend des quartiers. Exactement. Dans les vieux quartiers, c'est probablement pas séparé, j'imagine. Oui, donc en fait, à la base, c'est les premières choses qui existaient, c'était le réseau unitaire. Le réseau pluvial est arrivé dans l'histoire, est arrivé plus tard. Donc ça dépend vraiment des quartiers. Et donc, juste aussi pour s'imaginer à quoi ça ressemble les réseaux, enfin nos tuyaux d'égouts, c'est par exemple, on peut imaginer voir, dans tous les jours, on a des chantiers où on a des grosses canalisations, on peut même être debout debout dedans, donc c'est ce genre de tuyaux qu'on peut avoir sous-sol pour évacuer les eaux. En béton, je crois. Oui, en béton, c'est ça. Est-ce qu'il y en a aussi en plastique? Pas vraiment en plastique. Donc, en plastique, on réserve ça plutôt pour l'eau potable. Ah bon, pour l'alimentation en eau. Oui, il peut y avoir en plastique ou en fonte, mais en général, pour l'assainissement, c'est du béton. D'accord. Et en fait, de quoi nos villes auraient-elles l'air si on n'arrivait pas à évacuer toutes les eaux pluviales? Donc, ces réseaux sont vraiment importants pour une ville, j'entends. Donc, pour un milieu urbanisé, on a besoin de ces réseaux. La première chose qui vient à l'esprit, c'est s'il pleut trop, s'il n'y a pas ces réseaux qui évacuent toute l'eau pluviale, on va avoir des inondations. Donc, au vu des prix qui peuvent être générés par les dommages de ce genre de précipitations, Donc, il est important d'avoir ce genre de réseau. Il y a aussi l'autre aspect qui est l'insalubrité. Si on a de l'eau stagnante, donc si on a de l'eau stagnante qui reste pendant plusieurs jours parce qu'elle n'a pas été évacuée, ça peut être un problème de santé publique. Donc, c'est vraiment deux causes principales qui sont vraiment très importantes, qui nécessitent... Effectivement, parce que dans l'eau stagnante, peuvent se développer des bactéries, des virus probablement. Oui, exactement. Et quels sont en fait les principes qu'on met en application pour évacuer ces eaux? Alors, pour évacuer les eaux pluviales, on peut imaginer quelque chose de simple. C'est pareil, tous les jours, quand on regarde la chaussée, il y a des trous qu'on appelle des regards. Oui. Ces regards-là permettent, quand la pluie tombe sur le sol, d'acheminer l'eau dans des canalisations qui, elles, vont acheminer l'eau dans des cours d'eau, comme par exemple la rivière Saint-Charles, où on peut avoir des déversements d'eau pluviale. Mais cette eau aussi peut être infiltrée. Okay. Et ces regards-là, j'imagine qu'ils sont disposés dans une rue à la place où c'est le plus bas, là, évidemment, que l'eau s'écoule naturellement dans les regards. C'est ça. Donc, c'est par gravité. Des pentes. Exactement. Donc, une pente qui permet que l'eau va s'écouler dans un sens. Ouais. Et dans ce sens-là, c'est vers le cours d'eau. Oui, effectivement. Mais on remarque des fois, il y a des défauts parce que dans certaines rues, on voit que l'eau s'accumule et le regard n'est pas à la bonne place. Oui. Là, on voit que des fois, on peut avoir des zones... Après, ça dépend de... Il y a plusieurs... On ne peut pas généraliser sur, sur tous les cas particuliers, mais voilà. Et en fait, les eaux qui viennent effectivement, en fait, du réseau d'eau pluviale, ou est-ce qu'on les traite ou ces donc, eaux-là il faut savoir qu'à la base, les eaux pluviales n'étaient pas du tout traitées. Donc, aux prémices, on va dire, des réseaux, le but c'était d'évacuer cette eau le plus loin possible. C'était le premier objectif. Voilà, c'est ça. Donc maintenant, on essaye de plus en plus de normes environnementales qui imposent de traiter ces eaux, parce que on peut imaginer que l'eau qui tombe du ciel, on peut imaginer qu'elle est propre, mais en fait une fois qu'elle est tombée au sol, elle lessive les routes. Donc, on a tous les hydrocarbures qui sont rejetés dans les cours d'eau. Ils sont entraînés. Il peut y avoir aussi autre chose, là, en fait. Les animaux. Oui, exactement. C'est ça. Il y a plusieurs choses. Et les eaux domestiques, elles, évidemment, j'imagine que la plupart du temps, en fait, maintenant, elles sont traitées. Oui, oui. Oui, les eaux domestiques, normalement, elles passent par une... Il y a toujours des cas particuliers, mais normalement, on a une usine de traitement qui permet de récolter toute cette eau, de la traiter avant de la rejeter. À la rivière ou au fleuve, c'est ça. Donc, il y a des normes environnementales sur la quantité de polluants à rejeter et elles doivent respecter ces normes-là. D'accord. Et ces eaux sont-elles évacuées par gravité seulement ou est-ce qu'on utilise aussi des moyens mécaniques comme comme on disait tout à l'heure... Oui. Ouais. Comme on disait tout à l'heure, c'est essentiellement par gravité. Donc on n'a pas de pompage, ça coûte trop cher. Quelle taille du tuyau faut-il mettre en place lorsqu'on les remplace? Parce que j'imagine qu'on doit tenir compte des besoins, des coûts, des risques aussi d'inondation. Oui, effectivement. Donc en gros, on s'intéresse à la précipitation, à la pluie qui tombe. On regarde combien de temps, on regarde les chroniques, les hauteurs de pluie qui tombent, et on s'intéresse. C'est une approche simpliste. On s'intéresse au maximum annuel des pluies. Donc, une fois qu'on a ces maximums annuels avec des méthodes statistiques, on regarde ces maximums en moyenne combien de temps ils reviennent. Donc, par exemple, ils peuvent revenir tous les 2 ans, 5, 10 ans, 20 ans, voire plus. Okay. Donc, une fois qu'on a identifié ces intensités-là, d'accord. On peut choisir les dimensions de nos tuyaux en fonction de nos besoins, donc. Mais je veux dire, ces besoins-là, en fait, ils sont évalués, j'imagine. En fait, on essaie d'établir la fréquence de pluie de certaines hauteurs, j'imagine. Oui, c'est ça. C'est ce à quoi sert l'analyse fréquentielle. Donc, une fois qu'on détermine ces hauteurs de pluie, on décide quelle taille de tuyau je choisis pour laisser passer, par exemple, une pluie qui arrive en moyenne tous les 10 ans. Okay. Donc, on s'imagine que si on choisit, par exemple, une pluie qui revient en moyenne tous les 10 ans, on aura des tuyaux plus petits que si on choisit des tuyaux qui sont dimensionnés pour des pluies qui reviennent tous les 100 ans, donc c'est des événements très rares. Donc là, on a choisi cette taille-là en fonction de la pluie. Évidemment, tous les 10 ans, ça peut nous paraître pas fréquent, donc si on a une pluie qui est plus intense, ça déborde, mais on va dire que le temps que le réseau soit moins saturé, donc ça redescend tout doucement. Sinon, il y a les rues aussi qui sont faites, ce qu'on appelle c'est un autre réseau. Les rues sont conçues pour qu'elles acheminent l'eau directement au cours d'eau, donc sans passer par les tuyaux. C'est un fait. Il y a aussi une évacuation qui peut se faire aussi. Là. Exactement. Le réseau est saturé. Ouais. Voilà, c'est ça. Si le réseau est saturé, hop, ça va par la rue à la rivière. D'accord. Donc, autrement dit, avec les études des pluies, on peut savoir effectivement quelle grosseur, parce qu'on connaît effectivement la surface des réseaux, en fait, des surfaces à drainer et aussi la hauteur de pluie. Donc, on peut déterminer le volume de pluie et par conséquent, la grosseur du tuyau. Oui, parce que je dis, c'est la pluie d'une certaine intensité, c'est aussi le volume généré par la pluie de cette intensité-là qui va permettre de dimensionner la taille de nos... Okay. De nos tuyaux, effectivement, des tuyaux, des réseaux. Ouais. Et aussi, j'imagine que, en fait, on accepte le fait au départ qu'on ne pourra pas, dans des cas de pluie extrêmement intense, tout évacuer. Là, non, on ne pourra pas tout évacuer, c'est sûr que si on a. Parce que les tuyaux devraient être immenses à ce moment-là. Oui, ça coûterait beaucoup trop cher. Et pour ne plus qu'il y arrive tous les 100 ans, au final, s'il n'y a pas de risque majeur par rapport aux habitations, on peut. Oui, tout à fait. Donc, s'il n'y a pas de besoin, c'est pas nécessaire de dimensionner, de surdimensionner, parce qu'aussi, ça peut poser d'autres problèmes, le surdimensionnement. J'imagine. Et rapidement, quand on construit un nouveau réseau, en fait, c'est quoi la durée de vie attendue d'un nouveau réseau? Donc une canalisation, ouais. Si elle a, elle a une durée de vie, ouais. En moyenne de, ouais. De 100 ans. De 100 ans. Donc il faut tenir compte, avant de la dimensionner, ben oui. Avant de la remettre en place. Oui, oui, il faut aussi tenir compte des besoins futurs. Ben oui, mais ça c'est pas évident ça quand même. Non, c'est pas évident, mais il y a des études. Ok, qui permettent de faire ça. Oui, oui, il y a des études qui, ça fait partie de l'avant-projet de conception, c'est vraiment de déterminer l'évolution de plusieurs paramètres dans le futur, et donc depuis peu de temps, là, on inclut aussi le critère changement climatique. Ben oui, hein, parce que. Parce qu'on sait maintenant que. Avant, non, on ne le faisait pas avant, mais depuis quelques années, en tout cas à Québec, on commence à tenir compte de l'effet changement climatique avec des précipitations qui seraient probablement, possiblement, plus intenses dans le futur. Donc, peut-être des canalisations plus grosses pour répondre à ces besoins. Oui. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à dire en conclusion ou c'est, Donc, ce que je pourrais dire en conclusion, oui. C'est que là, je vous ai présenté une petite bribe de tout ce que la conception tout ce que ça implique. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui entrent en compte. Maintenant, il y a des normes environnementales, il y a plusieurs autres ouvrages que les canalisations, on a des bassins de rétention. Enfin, ah, ben oui. Donc, on a plusieurs choses. Et là, c'est juste un petit aperçu qui permet de comprendre comment la ville draine ses eaux pluviales. Effectivement. Écoutez, vous pourriez revenir pour nous expliquer la suite, éventuellement. OK, avec plaisir. Alors, merci beaucoup, Dikra, pour ces explications. Alors, je vous rappelle que Dikra Kadawiria, qui est étudiante en sciences de l'eau à l'INRS, et nous allons faire une courte pause publicitaire, après quoi nous enchaînerons avec le professeur Claude Villeneuve, qui va nous parler de son livre « Est-il trop tard? » Cette soirée vous est présentée par... À tout de suite.